الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 99 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan حفظه تعالى. Et on est arrivé donc à l'endroit où maintenant le cheikh il va expliquer certains éléments par rapport à ceux qui parmi les gens de la foi. On a fait plusieurs cours sur l'explication du fait que les gens de la foi, les croyants, ils doivent se repentir lorsqu'ils font des péchés. Et donc ça fait partie de l'attitude des mu'minines, des croyants. Contrairement à ceux parmi les égarés qui pensent que non, ils n'ont pas besoin de se repentir et que les péchés qu'ils font, étant donné que c'est des choses qui ont été prédestinées, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a prédestiné de les faire et donc ils pensent que par conséquent ils n'ont pas besoin de se repentir et ils utilisent le qadar, la prédestination, comme une justification de leurs péchés. Ça c'est clair que c'est de l'égarement et c'est une attitude diabolique. Donc on continue dans cette explication. Le cheikh il dit, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, wa innama ibaduhu al-mamduhuna hum al-madhkuruna fi qawlihi ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ardu u'iddat lil-muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Donc ça c'est le verset qu'on était en train d'expliquer justement dans le tafsir de Surat Al-Imran. Donc dans les versets ici qui ont été mentionnés, c'est les versets 135, 133 à 135. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que les serviteurs qui sont glorifiés sont uniquement ceux qui sont mentionnés ou bien ceux qui possèdent les caractéristiques qui sont mentionnées dans les versets suivants. Et il cite ces versets-là, donc 133 à 135 dans Surat Al-Imran, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et concourancé au pardon de votre Seigneur et un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre préparée pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Ceux-là, ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Donc ça c'est les versets que le cheikh il a cité et cheikh al-Fawzan il fait un petit commentaire là-dessus. Il dit wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, yani sari'u, sari'u la tata'akhkhar wa tatakall wa tatalakka wa tafutuka al-fursa sari' mahma amkanaka al-musara'a. سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت يعني خلقها الله عز وجل بما فيها من النعيم والخير لمن؟ للمتقين الذين اتقوا الله في الدنيا وتجنبوا المعاصي وعملوا الطاعات ومن هم المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ يعني ذكر صفاتهم في إلى قوله والذين إذا فعلوا فاحشة هذا محل الشاهد. فعلوا فاحشة، الفاحشة هي المعصية المستفحشة في القبح، أو ظلموا أنفسهم بما دون ذلك من الذنوب والمعاصي والسيئات. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا محل الشاهد من الآيات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، استحضروا عظمة الله، استحضروا عظمة الله، وخافوا أنه شهيد رقيب عليهم، فاستغفروا لذنوبهم. وهذا محل الشاهد، أهل الجنة يستغفرون لذنوبهم. أين الذين يقولون ما تضر المعصية المؤمنين؟ Donc le cheikh il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans le verset concurrencez, faites la course, précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur. C'est-à-dire ne le retardez pas et ne faites pas en sorte que vous perdiez l'opportunité de vous repentir. Dépêchez-vous, précipitez-vous le plus que cela est possible pour vous de vous précipiter. Et il dit ensuite donc précipitez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un jardin sous lesquels et un jardin ou bien un paradis dont la largeur est comme celle des cieux et de la terre, dont la largeur est les cieux ou la grandeur est comme les cieux et la terre, préparés pour les muttaqin, ceux qui ont at-taqwa. Préparés, c'est-à-dire créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a à l'intérieur toutes les sortes de délices. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce paradis dans lequel il y a tous ces délices et tout ce qu'il y a de bon. Pour qui? Pour les muttaqin, ceux qui ont at-taqwa, ceux qui se sont préservés d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas en s'écartant des péchés et en faisant les actes d'obéissance. Et qui sont al-muttaqoun? Qui sont ceux qui ont at-taqwa? Eh bien, ce sont ceux qui sont décrits dans les versets qu'on a lus. C'est-à-dire ceux qui dépensent dans l'adversité, de même que dans l'aisance, dans l'aisance et dans la difficulté, et qui contrôlent leur rage ou leur colère. Donc ça fait partie de leurs caractéristiques, jusqu'aux caractéristiques qui viennent par la suite, et au point où Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il dit, et lorsqu'ils font une turpitude quelconque, c'est-à-dire un péché qui est tellement laid, qu'on l'appelle fahisha, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est tellement répugnant que on l'appelle fahisha. Donc c'est un péché répugnant. Et il dit, ou bien qui ont fait de l'injustice à leur propre âme, c'est-à-dire en faisant des péchés qui sont moindres parmi les péchés et les désobéissances et les mauvaises actions. Et lorsqu'ils font ce genre de péché-là, et une fahisha ou bien un de ces péchés-là, ils se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés autre que Allah? Et ils ne persistent pas à faire ce qu'ils font alors qu'ils savent. Et donc c'est ça ici qu'on veut établir. Le fait de se rappeler de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment où on commet un péché et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'on sait qu'il est témoin de ce qu'on fait et qu'il nous surveille. Donc, à ce moment-là, les pieux, lorsqu'ils sont conscients de ça, demandent pardon pour leur péché et c'est ce qu'on voulait établir, que les gens du paradis sont ceux qui demandent à Allah pardon pour leurs péchés. Alors, où sont ceux qui prétendent que le péché que quelqu'un peut commettre, eh bien, ça ne lui fait aucun tort et que, du moment qu'il est croyant, c'est ça l'important. C'est clair que ça, c'est de l'égarement. Le cheikh, il dit ensuite, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il commence maintenant à rentrer dans le cœur du sujet et à réfuter de façon vraiment explicite les égarements des soufis hein, qui ont des choubouhat au sujet du qadar et des égarements au sujet du qadar et de l'ignorance à propos du qadar. Donc il commence à mentionner des exemples pour les réfuter. Donc il dit وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْقَدَرَ حُجَّةٌ لِأَهْلِ الذُّنُوبِ فَهُوَ مِنْ جِنْسِ الْمُشْرِكِينَ. Donc c'est-à-dire que celui qui pense hein, ou qui s'imagine ou qui prétend que le qadar est un argument ou une preuve pour les gens qui commettent des péchés, alors il fait partie de la catégorie des mushrikin. Il fait partie de la, du type de personne qui hein, est semblable aux mushrikin. Et pourquoi? On va voir dans l'explication. Le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, Al-qada ou al-qadaru min Allah, subhanahu wa ta'ala, الإيمان به ركن من أركان الإيمان الستة كما قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه جحد ركنا من أركان الإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر بأن يؤمن بأن الله قدر الأشياء قبل وقوعها وكتبها أولا علمها سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا علم ما كان وما يكون ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ حينما خلق القلم قال له اكتب فقال ما هو كائن في اللوح المحفوظ اكتب فكتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ إلى أن تقوم الساعة فما من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ ثم إن الله عز وجل يوجد هذه الأشياء في مواقيتها إذا شاءها يعني وجدت في مواقيتها لا تتأخر عنها كل شيء يوجد في وقته يشاءه سبحانه وتعالى ثم يخلقه في وقته لا يخرج شيء عن هذا. Donc on va traduire jusqu'ici. Cheikh Al-Fawzan il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, donc premièrement il a ordonné à ses croyants, hein, il a ordonné, wa alaykoum salam, alhamdoulilah, il a ordonné aux croyants de croire en le décret divin ainsi que la prédestination. Ça, c'est clair dans le Coran et ça fait partie des 6 piliers parmi les piliers de la foi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith de Jibril, qui est un hadith très célèbre, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui signifie. Et c'est la foi, c'est-à-dire, ça consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire en ce qui a été prédestiné de bien comme de mal, hein, de bien ou de mal. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, celui qui ne croit pas en le décret divin et la prédestination, eh bien, il a rejeté, il a renié un parmi les piliers de la foi. Et c'est-à-dire la foi en le décret et de la prédestination. Et il dit que c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné toute chose avant qu'elle existe, avant qu'elle se produise. Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il l'a su, il l'a écrit, hein, il l'a voulu et il l'a créé. Donc, le cheikh, il dit, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a su toutes choses éternellement. Et il a toujours été hein, éternellement décrit comme étant celui qui connaît toutes choses. Il sait ce qui était dans le passé, il sait ce qui va être dans l'avenir, hein, et il sait tout, il sait toutes choses. Puis, une fois que yani, il a voulu, il a écrit cela. Il a fait en sorte que cela soit écrit dans un recueil qu'on appelle en arabe « al-lawh al-mahfouz ». Al-Lawh al-Mahfouz, c'est la table préservée. C'est un registre ou un recueil dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps, hein? Jusqu'à la fin du monde, jusqu'au jour de la résurrection. Et le cheikh explique que lorsqu'il a voulu, il a créé la plume et il a dit à cette plume, écris tout ce qu'il va y avoir jusqu'à là, jusque, yani, au jour de la résurrection. Hein, au jour de l'heure du jugement dernier. Et le hadith à ce sujet-là, c'est rapporté par At-Tirmidhi et également par Abu Daoud. Selon Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, il dit que, il dit, قَالَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ فَقَالَ اُكْتُبُ فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اُكْتُبُ الْقَدَرُ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ. Donc ça, c'est une des narrations du hadith. Il y en a d'autres narrations. Ça explique que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé la plume, il a dit à la plume, écris. Et la plume a posé la question, qu'est-ce que je dois écrire? Il a dit, écris la destinée ou la prédestination de tout ce qui va se produire, hein, jusqu'à la fin des temps. Et le cheikh, il dit, donc ça, c'est par rapport à l'écriture, al-kitaba, ou bien al-maktoub, comme on l'appelle parfois al-maktoub, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la table préservée. Ensuite, il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes les choses. Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes les choses. Et il dit, le cheikh, que ce que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a voulu une chose, hein, eh bien, il l'a écrit dans la table préservée et il dit, puis tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans la table préservée, lorsqu'il veut, cette chose-là se produit au temps dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédestiné. Donc, s'il veut une chose, il fait en sorte qu'elle vienne et qu'elle existe, cette chose, dans le temps que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour cette chose et dans le temps que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour cette chose. Et elle ne peut pas retarder. Hein? Elle ne peut pas être retardée. C'est-à-dire qu'une fois que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu en un temps précis que quelque chose soit et que quelque chose existe, eh bien, cette chose-là est créée dans le temps que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Et il n'y a rien donc qui sort de cela. Il n'y a rien qui sort de cela. Après, le cheikh, il dit, فَمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مُتَوَعَّدٌ بِالنَّارِ وَلَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ فَلَا يَجْزَعُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَلَا يَغْتَرُّ وَيَفْرَحُ عِنْدَ النِّعْمَةِ بَلْ يَشْكُرُ عِنْدَ النِّعَمِ وَيَصْبِرُ عِنْدَ النِّقَمِ. هذا هو مخلص الإيمان أو ملخص الإيمان بالقضاء والقدر. Le cheikh, il explique que celui qui ne croit pas en le décret divin ainsi que la prédestination, eh bien, il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, et il est même sous la menace de l'enfer. Il ne goûtera pas à la douceur de la foi jusqu'à ce qu'il sache que tout ce qui lui est arrivé, ça ne pouvait pas l'échapper ou ça ne pouvait pas le manquer. Et tout ce qui l'a manqué, eh bien, ne pouvait pas l'atteindre, ne pouvait pas le toucher. Et il ne doit pas se plaindre lorsqu'il est touché par un malheur, et il ne doit pas non plus se réjouir de façon excessive lors d'un bien qui lui arrive ou une grâce qui lui touche. Plutôt, il doit être reconnaissant lors des grâces et lorsqu'il a quelque chose de bien, et il doit être endurant lorsqu'il est touché par un malheur quelconque ou par une difficulté. Et ça, c'est donc le résumé de en quoi consiste la foi en la prédestination, le décret divin et la prédestination. Et le cheikh il dit ensuite, فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ فِي كِتَابِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ثم بين الحكمة من إخبارنا لئلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور فلا بد أن يؤمن الإنسان بهذا. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé de ça dans son livre. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé de la prédestination dans son livre. Et parmi les exemples de ça, le verset 22 dans Sourate Al-Hadid. Le verset 22 dans Sourate Al-Hadid. Et on va lire ensemble la traduction à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ça ce qui signifie « Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. » Et cela est certes facile à Allah. Et ensuite, il explique la raison ou la sagesse de la raison pour laquelle il nous informe de cette prédestination-là. Et il dit « Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, et ni n'exultiez, ça veut dire n'exultiez, ça veut dire de, ni que vous vous réjouissiez et de façon excessive pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux, plein de gloriole. Hein, quelqu'un qui est présomptueux et trop fier. Et donc, il faut que l'être humain croie en Al-Qadar. Al-Qadar, ça fait partie des piliers de la foi. Et ensuite, il explique que parmi les gens de l'égarement, il y a deux groupes qui ont dévié à propos du Qadar. Et ça, c'est important de le comprendre. Il dit At-ta'ifatul, hunaka ta'ifatani min ahli ad-dalal. At-ta'ifatul ula, ta'ifatun nafatil Qadar. وقالوا إن الأمر أنف يعني مستأنف يعني ليس له تقدير سابق لم يقدره الله ولم يكتبه وإنما يعني يعلمه إذا وقع فهذا مذهب المعتزلة ويقال لهم القدرية لأنهم نفوا القدر ويقال لهم مجوس هذه الأمة لأنهم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه فهم أثبتوا خالقين مع الله كما أن المجوس أثبتوا خالقا للخير وخالقا للشر فهؤلاء زادوا على المجوس بأن قالوا كل إنسان فإنه يخلق فعل نفسه تعالى الله. Donc, le premier groupe parmi les deux groupes des gens de l'égarement qui ont dévié à propos de la prédestination, c'est le groupe en premier qui a nié le qadar. Eux, ils ont nié la prédestination et ils ont dit les choses sont au hasard. Les choses vont au hasard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédestination à l'avance. Et donc, il n'y a rien qui a été prédestiné préalablement. Il n'y a rien qui a été décrété préalablement. Allah n'a pas prédestiné. Il n'a rien écrit et il sait uniquement ce qui se produit une fois que la chose s'est produite. Donc ça, c'est clair que c'est du kufr. Et cette position, c'est la position des Mu'tazila. Et on les appelle aussi les Qadariya. Qadariya parce qu'ils ont nié le Qadar. On les appelle Qadariya parce qu'ils ont nié le Qadar. Et les Mu'tazila, ils nient le Qadar aussi. Donc on les appelle, les Mu'tazila, on les appelle aussi des Qadariya. Parce qu'ils ont nié le qadar, ils ont nié la prédestination. Et le cheikh il dit, et on les appelle aussi majus hadhihi l'umma, c'est-à-dire les majus de cette umma. C'est les manichéens ou bien les zoroastriens. Yani ceux qui croient qu'il y a deux créateurs dans l'univers. Le créateur pour le bien et le créateur pour le mal. Le créateur de la lumière et le créateur des ténèbres. Hein? Celui qu'ils appellent Ahura Mazda. Mazda, c'est celui qu'ils considèrent être la divinité de la lumière. Hein? Ils considèrent que c'est le créateur du bien. Et le créateur du mal, puis ils croient qu'ils sont en combat ou en guerre les uns l'un contre l'autre. Dans l'islam, on n'a pas cette notion-là parce que on sait très bien qu'il n'y a qu'un seul créateur et un seul maître tout-puissant de tout ce qui existe. Et il a créé tout ce qui est bien et tout ce qui nous semble mal. Hein? Et on sait très bien que dans tout ce que Allah a créé, même dans le mal, il n'y a rien qui est un mal pur, mais hein, tout est relatif d'une certaine façon. Puisque même dans le mal que Allah a créé, il y a une sagesse et il y a un grand bien dedans. Et il l'a créé uniquement pour le bien. Ensuite, le cheikh, il explique que, donc, on les appelle, ces gens-là, les Qadariyas, on les appelle des Majus dans cette Ummah. Pourquoi? Parce qu'ils ont affirmé qu'il y avait plusieurs créateurs en dehors d'Allah. Tandis que les Majus, eux, ils disent qu'il y en a deux. Hein? Eux, ils ont été encore plus loin que les Majus. Et ils ont dit, chaque être humain est le créateur de ses propres actions. Donc, ils ont dépassé les Majus dans l'égarement. Sallallahu alayhi wa sallam. Après, le cheikh, il dit, « وَالطَّائِفَةُ الثَّانِيَةَ الَّذِينَ غَلَوْا فِي إِثْبَاتِ الْقَدَرِ حَتَّى قَالُوا إِنَّ الْعَبْدَ مَجْبُورٌ عَلَىٰ أَفْعَالِهِ لَيْسَ لَهُ اخْتِيَارٌ وَلَا مَشِيئَةٌ وَإِنَّمَا هُوَ كَالْأَدَاءِ بَيْنَ يَدَيْ مُحَرِّكِهَا أو بيد محركها ليس له مشيئة ولا اختيار وهو مجبور على ما يفعل وهؤلاء يقال لهم الجبرية يقال لهم الجبرية يعني من الجهمية وغيرهم وسبقهم المشركون قال الله تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء يعني ما لنا اختيار الله شاء لنا هذا فنحن ليس لنا اختيار يعني يسلمون أنفسهم بهذا وينفون عنهم اللوم يقولون لسنا ملومين لأننا مجبورون على هذا الشيء لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء لأنهم يحرمون أشياء لم يحرمها الله كالسائبة والبحيرة والموصولة ويحرمون أشياء ما حرمها الله ويستحلون أشياء حرمها الله كالميتة لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا يعني يدفعون عن أنفسهم اللون ولا يحرمون من ولا حرمنا من شيء والله سبحانه وتعالى يرد عليهم في هذه الآية ويقول كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا يعني كلامهم هذا هل عليه دليل أن الله رضي منكم هل عليه دليل أن الله رضي منكم الكفر والشرك وتحريم الأشياء هل عندكم دليل على أن الله رضي بذلك وأجبركم عليه قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون يعني أخبر أنهم سيقولون هذا وقالوه ذكر الله عز وجل أنهم قالوه في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين لو كان الله رضي بهذا أنهم ليس لهم اختيار ما كان لإرسال الرسل وإنزال الكتب فائدة فكونه أرسل الرسل تنهى عن الشرك وعن الكفر وعن الحرام دليل على أن الله لا يرضى بهذا ولا يشرعه سبحانه وتعالى ولا يحبه. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا دليل على أن الله لا يرضى بالكفر ولا يرضاه ولا يحبه، ولذلك أرسل الرسل بالنهي عنه. فالجبرية على مذهب المشركين السابقين الذين ذكرهم الله في هذه الآية. Donc, le deuxième groupe parmi les groupes qui ont dévié, hein, c'est ceux qui ont exagéré dans l'affirmation de la prédestination et du décret divin, et qui ont dit l'être humain est obligé et forcé et contraint de faire ce qu'il fait quand il fait quelque chose. Il n'a aucune volonté, aucun choix, aucune décision. Et ils ne sont, c'est-à-dire les êtres humains, que comme des instruments dans la main de celui qui bouge l'instrument. Hein, comme quelqu'un, par exemple, lorsqu'il a un marteau dans sa main et il frappe avec. Le marteau n'a aucune volonté. Hein? La volonté, elle est dans la personne qui tient l'instrument ou qui tient l'outil. Hein? Donc, ils disent, l'être humain, il est comme un outil dans la main de celui qui utilise cet outil. Et donc, il n'a aucune volonté et il n'a aucun choix. Il est majbour. Majbour, ça veut dire il est forcé, il est contraint. Et c'est de là que vient le nom de ceux qu'on appelle les Jabriya. Al-Jabriya, c'est ceux qui affirment le qadar, mais de façon extrême, de façon excessive, de façon exagérée, au point de retirer à l'être humain toute son libre arbitre et son choix et sa volonté. Alors, ces gens-là sont dans les égarements de l'opposé du premier groupe, l'opposé des Qadariya. Les Jabriya, ils sont à l'opposé des Qadariya qui nient la prédestination. Eux, ils l'affirment, mais ils l'affirment de façon exagérée. Et parmi les groupes qui ont dévié et qui ont suivi les Jabriya, ou bien qui sont sur la croyance des Jabriya dans le Qadar, il y a par exemple Al-Jahmiya, une des sectes parmi les sectes des Garmans, et ceux qui les ont suivis là-dedans, comme As-Soufiya, la plupart des gens de Tasawwuf, ils sont des Jabriya dans l'Aqida, de même que les Asha'ira. Les Asha'ira, ils ont une forme de Jabriya aussi dans leur croyance. Et donc, ils ont été précédés avant tout dans cette croyance-là par les mushrikines, parce que les premiers à avoir supporté cette croyance-là et cette idée-là sont les mushrikines, les mushrikines. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans plusieurs versets dans le Coran. Par exemple, le verset 148 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont fait le shirk avec Allah, ils vont dire la chose suivante. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Allah aurait voulu, nous n'aurions pas fait de shirk. De même que nos pères n'auraient pas fait de shirk eux aussi. Et on n'aurait rien interdit de ce que Allah a permis. Donc ils essaient d'utiliser comme excuse pour justifier le shirk qu'ils ont fait, ils essaient d'utiliser comme excuse et comme prétexte et comme argument le qadar. Ils essaient d'utiliser le qadar comme une justification et comme une excuse pour justifier leur shirk. Et c'est comme s'ils disaient, on n'a pas eu de choix. On n'a pas eu de choix. C'est Allah qui a voulu qu'on fasse le shirk, donc on l'a fait. Donc on n'a pas de choix et on n'a pas de décision. Et donc nous, on ne fait que se soumettre. Et par conséquent, qu'est-ce qu'ils essaient de faire en disant ça? Ils essaient de se retirer d'eux-mêmes tout blâme. Ils essaient de se retirer tout blâme et toute mauvaise conscience en disant, eh bien, si on a fait le shirk, ce n'était pas de notre faute, finalement, parce que c'est Allah qui a prédestiné ça. Et c'est Allah qui a voulu qu'on fasse le shirk. Et il n'y a pas de doute que tout ce qui se produit dans l'univers, que ce soit du bien ou du mal, que ce soit du shirk ou du tawhid, que ce soit de la foi ou du kufr, ou que ce soit une obéissance ou un péché. Il n'y a rien qui sort de la volonté d'Allah. Il n'y a rien dans tout ce qui se produit dans l'univers qui sort de la volonté d'Allah. Sauf que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'une chose se produise et qu'il a permis à une chose de se produire, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de cette chose. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il l'a agréé. Et ça ne veut pas non plus dire, et surtout pas, qu'il l'a légiféré et qu'il l'a permise. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, il a permis à des choses qu'il déteste d'exister dans le but, dans une sagesse et dans un but qui est bon, et c'est de tester et de mettre les croyants à l'épreuve. Hein? Et c'est ainsi qu'il a voulu que Iblis existe, et qu'il a voulu que le shirk et le kufr existent, et qu'il a voulu que les péchés existent. Mais est-ce qu'il aime le péché? Est-ce qu'il aime le kufr? Est-ce qu'il aime le shirk? Non. Il déteste ces choses-là. Et il les interdit. Hein? Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé les messagers et qu'il a fait révéler les livres avec les législations et les shara'i pour que justement les êtres humains puissent savoir ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas. Et ce qu'ils doivent faire et ce de quoi ils doivent s'abstenir. Et en plus, il a dit, si vous faites ce que je vous ordonne et que vous vous abstenez de ce que je vous interdis, eh bien, vous allez avoir ma récompense, qui est le paradis. Et si vous faites ce que j'interdis et que vous vous permettez, vous faites ce que j'ai interdit et vous refusez d'obéir quand je vous ordonne quelque chose, alors vous allez avoir mon châtiment. Donc, non seulement il a envoyé les messagers pour leur faire savoir qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas, mais en même temps aussi, il leur a dit, si vous faites ce que j'aime, voici la récompense. Si vous faites ce que je n'aime pas, voici le châtiment qui découle de ça. Donc, est-ce qu'il reste une excuse par la suite pour les mouchriquins de prétendre que c'est Allah qui a voulu qu'ils fassent le shirk ou qu'il est satisfait de leur shirk ou qu'il est satisfait de leur péché ou qu'il est satisfait de leur falsification et de la modification de ce que Allah a légiféré? Il ne reste aucun argument pour eux dans ce sens-là. Et c'est pour ça que lorsqu'ils disent, par exemple, لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Si Allah aurait voulu, on n'aurait rien fait comme shirk, ni nos parents, et on n'aurait rien interdit de ce que Allah a permis. Et pourquoi? Parce qu'ils interdisaient des choses que Allah a rendues licites, comme certaines catégories d'animaux. Certains animaux, par exemple, qu'ils consacraient à leurs idoles, et ils disaient, par exemple, tel animal, c'est pour notre idole, et donc on n'a pas le droit de monter sur son dos, on n'a pas le droit de boire son lait, parce que ça c'est pour les idoles, et des choses de ce genre. Donc ça c'est des exemples d'interdictions qu'ils inventaient. L'exemple aussi des mouchriquins qui faisaient le tawaf, ils enlevaient leurs vêtements, ils faisaient le tawaf nu autour de la Kaaba. Ils enterraient leur fille vivante. Lorsqu'ils avaient une fille, ils avaient la honte, alors ils l'enterraient vivante. Tout ça, c'est des choses qu'ils faisaient. Et quand ils essaient, on leur disait, mais pourquoi vous faites ça? Ils disent, mais c'est Allah qui a voulu. C'est Allah qui a voulu. Ah ben non, Allah, il n'a pas voulu. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah n'aime pas la turpitude. Est-ce que vous dites à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucune science? Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les réfute également. Parce qu'eux, ils disent ça pour se rejeter ou pour retirer le blâme qu'ils avaient en eux-mêmes. Même les sacrifices humains qu'ils faisaient aussi. Ils tuaient leurs propres enfants pour leurs idoles. Et ils faisaient des sacrifices de leurs propres enfants pour des idoles qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et ils essayent de blâmer Allah pour ça. Et donc, ils veulent se retirer le blâme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a réfutés en disant, est-ce que vous avez, il dit, c'est ainsi que ceux qui étaient avant eux avaient menti jusqu'à ce qu'ils goûtent à notre châtiment. Et il dit, ô Muhammad, à ces gens-là, est-ce que vous avez quelque chose de la science que vous pourriez nous sortir pour nous prouver que qu'est-ce que vous dites c'est vrai, pour nous prouver que Allah il aime qu'il a ordonné qu'est-ce que vous dites, ou qu'il a permis ce que vous dites, ou qu'il est satisfait de ce que vous dites? Et donc le cheikh il dit, leurs paroles hein, et leurs idées. Il n'y a aucune preuve venant d'Allah pour le justifier, hein, pour dire qu'il était satisfait de leur part, hein, qu'ils aient commis du shirk ou du kufr ou d'interdire des choses licites. Il n'y a aucune preuve venant d'Allah pour justifier ça. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, قل, hein, dit, هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. Est-ce que vous avez auprès de vous quelque chose comme une science quelconque que vous pourriez sortir pour nous, pour supporter ce que vous prétendez à propos d'Allah, hein? Est-ce que vous avez un dalil, une preuve quelconque, pour prouver que Allah est satisfait de ce que vous faites? Alors sortez-la, hein? Et ensuite il dit, à la suite du verset, إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Donc c'est-à-dire, vous ne faites que suivre des conjectures, hein, vous ne faites que suivre des suppositions ou des choses que vous pensez, hein, des choses qui ne sont basées sur aucune preuve. الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Donc vous parlez sans aucune certitude, aucune preuve. Et donc, le Cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça également dans le verset 35 dans Surat An-Nahl. Donc, ce qu'il dit ici dans le verset 148 dans Surat Al-An'am, il le dit aussi dans le verset 35 dans Surat An-Nahl. Et ils ont dit, hein, il y en a ceux qui ont fait le shirk avec Allah, ils ont dit, si Allah aurait voulu, on n'aurait rien adoré en dehors de lui. Hein? On n'aurait rien adoré, on n'aurait pas adoré une chose quelconque en dehors de lui. Ni nous, ni nous-mêmes, ni nos parents avant nous. Et on n'aurait rien interdit, hein, en dehors de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répond en disant, c'est ainsi que ceux qui étaient avant eux ont fait. Et il dit, et est-ce qu'il incombe aux messagers autre chose que de transmettre la religion de façon claire? Donc le cheikh, il clarifie ce verset-là et il explique la réponse que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée en disant, est-ce qu'il incombe aux messagers autre chose que de transmettre le message de façon claire? Il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala aurait été satisfait de ce que ces gens-là font, hein, et qu'eux ne l'auraient pas fait de leur propre choix, hein, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas envoyé des messagers, il n'aurait pas envoyé des livres, puisqu'il n'y aurait eu aucun bienfait et aucune sagesse, hein, aucune utilité d'avoir envoyé des messagers et des livres si tout ce qu'on fait était, hein, forcé et qu'on n'avait pas de volonté dans ce qu'on fait et qu'on est contraint. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala aurait envoyé des messagers et des livres si tout ce que nous faisons, c'est quelque chose qui nous a été imposé, hein? Donc ça, c'est clair que c'est faux, hein? Et même ces gens-là, par exemple, les ulama, ils ont mentionné souvent des exemples à ce sujet-là. Si tu viens à l'un d'entre eux, ceux qui disent, non, il n'y a pas de qadar, hein? Il n'y a pas de qadar, on est forcé de faire ce qu'on fait. C'est Allah qui, ou bien il y a un qadar, mais on n'a pas de volonté, on est forcé de faire ce qu'on fait. Et si tu viens vers lui et tu lui donnes une gifle, hein? Tu lui donnes une gifle ou bien tu le frappes au visage, il va te dire, mais pourquoi tu me frappes? Tu dis, non, c'est pas moi. C'est Allah qui m'a forcé. J'ai pas de volonté. Hein? J'ai pas de volonté. Moi, je suis obligé de faire ça. Hein? Et est-ce qu'il va être content de ça ou satisfait de ça? S'il prétend qu'il est, hein, satisfait du qadar, il devrait accepter que tu le frappes. Hein? Et il ne devrait pas se plaindre. Parce qu'il va dire, oui, ça c'est le qadar, je dois accepter. Mais il sait très bien que ça c'est faux. Hein? Donc, il y a des choses, hein, qui sont dans notre contrôle et dans notre pouvoir, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une volonté, il nous a donné une capacité de faire des choses. Hein? Et il y a des choses qui sortent en dehors de notre contrôle et qui sont en dehors de notre capacité, en dehors de notre volonté. Et dans ce cas-là, ça c'est ce qu'on appelle des accidents. Hein? Quand par exemple tu traverses la rue puis tu tombes, tu te casses une jambe. Hein? Si par exemple tu t'en allais au travail, tu tombes, tu te casses une jambe. Et tu arrives au travail, tu dis, C'est pas de ma faute, je suis arrivé au travail en retard parce que je me suis cassé une jambe. Le patron, il ne peut pas te blâmer pour ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est le résultat de ton erreur à toi. C'est un accident qui s'est produit. Tandis que si quelqu'un, par exemple, il sait qu'il doit aller travailler et il prend tout son temps et il se couche très tard et il se lève en retard et puis il part travailler, il prend tout son temps et il arrive à son travail en retard. Là, il est en retard parce qu'il a été négligent. C'est parce qu'il a pas fait les causes nécessaires pour être à l'heure. Il est donc responsable de ce retard-là. Donc, si par exemple, il arrive pour aller travailler et puis il arrive là, il y a une panne d'électricité et le métro est interrompu, il y a un embouteillage et tout est bloqué. Il n'y a pas de circulation, il arrive au travail, il est en retard. Est-ce que le patron va le blâmer pour ça? Non, ce n'est pas de sa faute. Là, il n'a pas fait exprès. Donc, c'est pour dire, Yann. Si quelqu'un, tu le bouscules sans faire exprès parce que tu es tombé sur lui, tu as perdu l'équilibre et tu l'as poussé. Hein? Ce n'est pas la même chose que si tu viens devant lui puis tu le pousses avec tes deux mains comme ça, alors que hein, personne t'a fait tomber ou il n'y a rien qui t'a bousculé. Donc, les deux sont différents. Tu peux pas comparer les deux. Hein? Donc, il y a des gens qui font pas la distinction entre ces choses-là. Les choses que tu fais qui sont volontaires et les choses qui sont involontaires. Ton cœur, il bat. Hein? Est-ce que c'est toi qui le fais battre? Hein? Est-ce que c'est toi qui fais battre ton cœur? Tu dis à ton cœur. À chaque fois, tu dois te rappeler, ah, j'ai oublié de dire à mon cœur de battre. Non. Hein? Tu n'as pas besoin de te rappeler de faire battre ton cœur. Hein? Ou bien de respirer. Ah, j'ai oublié de respirer aujourd'hui. Je suis mort parce que j'ai oublié de respirer. Hein? C'est ce qu'on appelle la nuit, l'apnée du sommeil. Hein? C'est-à-dire l'apnée du sommeil. Il y a des gens, quand ils dorment, ils arrêtent de respirer pendant quelques instants. Et ils se réveillent comme ça tout d'un coup, comme s'ils allaient se noyer. Alors qu'ils ne sont pas dans l'eau. Mais ils n'ont pas fait exprès. Mais ça, c'est souvent des problèmes par rapport à différentes causes. Mais tout ça pour dire que c'est des choses qui sont contrôlées. Hein? Allah subhanahu, il a créé dans notre corps un système qui fonctionne, si on veut, de façon automatique. C'est Allah subhanahu qui l'a créé comme ça. Il a voulu que ce système-là fonctionne tout seul. Le cœur, les poumons et beaucoup d'autres choses. On n'a même pas besoin de réfléchir à ça. Ça marche tout seul. Allah subhanahu il l'a créé de cette façon-là. Hein? Mais il y a d'autres choses, par contre, tu dois le faire. Tu peux pas. Si tu le fais pas, ça va pas se faire. Hein? Comme pour marcher, hein, manger, boire. Là, c'est toi qui es responsable de ça. Donc, il y a des choses qui sont en dehors de ton contrôle et il y a des choses qui sont dans ton contrôle. Hein. Les choses qui sont en dehors de ton contrôle, tu dis ça, c'est le qadar. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, si il t'arrive quelque chose ou quelque chose qui arrive, dites pas, ah, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Hein? Ce serait pas arrivé comme ça, ce serait pas arrivé comme ça. Il a dit, ne dites pas si, parce que le si, il ouvre la porte au shaitan, mais plutôt dites, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Ce que Allah a prédestiné, c'est ce qui va se produire. Ce que Allah veut, c'est ce qui se produit. Hein? Ma sha'a Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ce que Allah a voulu est, ce qu'il ne veut pas n'est pas. Hein? Pourquoi il nous a appris ça dans ces situations-là? Parce que ça, c'est des choses qui sont en dehors de nos pouvoirs et de nos contrôles. Ensuite, le cheikh, il explique, donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le choix, il nous a donné la capacité, et c'est pour cette raison qu'il a envoyé les messagers et qu'il a fait descendre les livres. Et il dit donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, pour interdire aux hommes le shirk et le kufr, et pour leur clarifier ce qui est haram et ce qui est halal, eh bien ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait du haram, et qu'il n'est pas satisfait du kufr, et qu'il n'est pas satisfait du shirk, et qu'il n'aime pas le kufr, et qu'il n'aime pas le shirk, et qu'il n'aime pas les péchés. Et c'est pour ça qu'il dit dans le verset, فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Et est-ce qu'il incombe au messager autre chose que la transmission du message? Et dans le verset qui suit, le verset 36 dans Sourate An-Nahl, juste après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ عَبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Et nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour leur dire, adorez Allah seul et écartez-vous du tarot. C'est-à-dire, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il nous avait obligés ou forcés de faire, qu'est-ce qu'on fait sans exception, et qu'on n'a pas de choix, hein, ni de volonté, alors pourquoi il nous aurait envoyé des messagers avec des livres, hein, et pourquoi il nous aurait ordonné le kufr et le shirk et interdit? Pourquoi il nous aurait interdit le kufr et le shirk, et pourquoi il nous aurait interdit les péchés si on n'avait pas de volonté ou de capacité ou de choix? Eh bien, tout ça, ce serait insensé. Mais il a envoyé les messagers pour nous interdire le shirk et le kufr et tout ce qui est mauvais, et pour nous ordonner, hein, tout ce qui est bien et tout ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait du kufr, et qu'il n'agrée pas le kufr, et qu'il n'aime pas le kufr, et le shirk, et tout ce qui est mauvais. Et c'est pour ça qu'il a envoyé les messagers pour interdire tout ça. Et donc, les Jabriyah sont en réalité sur la même voie que la voie des mushrikin, hein, du passé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans les autres versets. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, elle mentionne à ce sujet-là plusieurs autres versets. On va les voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Et vous allez voir que même certaines des paroles des mushrikines que Allah subhanahu wa ta'ala a citées dans les versets de Coran pour les réfuter, eh bien, vous voyez que certains parmi les kuffars aujourd'hui, ils utilisent les mêmes arguments. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en la sagesse d'Allah. Hein? Par exemple, vous entendez des kuffars aujourd'hui qui disent, oui, mais pourquoi si Dieu existe, il y a des pauvres? Pourquoi il y a de la famine? Si Dieu existe, pourquoi il y a des tremblements de terre? Ou bien pourquoi il y a des gens qui meurent de faim? Hein? Eh bien, la même chose, les mushrikines l'ont dit dans le passé. Hein? Et il y a un verset exactement là-dessus dans Surat Yassin. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ce verset. Mais à chaque fois que je lis ce verset-là, yani, subhanallah, ça me fait toujours rappeler l'exemple que ces gens-là racontent aujourd'hui. Non. C'est le verset 47 dans Sourate Yassin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Hein? Quand on leur dit: dépensez du risque de ce que Allah vous a donné. Hein? Regardez qu'est-ce qu'ils disent. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. Hein? Donc ils disent, ceux qui n'ont pas cru, ils disent à ceux qui croient, est-ce que nous, on doit nourrir ceux que si Allah aurait voulu, il les aurait nourris lui-même? Hein? C'est comme s'ils sont en train de dire, non, s'il y a des pauvres, ce n'est pas notre responsabilité de les nourrir, c'est à Allah de les nourrir. Hein? Allah, il nous a donné la subsistance pour nous seulement. Hein? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à ceux qui ont de l'argent de donner à ceux qui n'en ont pas pour les nourrir et pour les aider. Et eux, au lieu de prendre de cet argent que Allah leur donne et d'aider ceux qui n'en ont pas, ils gardent l'argent pour eux et ils disent, pourquoi Allah ne leur donne pas? Ajib. Hein? Allah, il a voulu que vous soyez des causes, hein, pour que, justement, vous puissiez vous entraider les uns les autres. Que si parmi vous, certains sont pauvres, Allah va vous éprouver, hein, en voyant, est-ce que vous êtes capable de partager, d'être généreux, d'être charitable envers ceux qui ont moins? Mais si vous êtes avare, si vous êtes yani cupide et avide de ce que vous possédez et au point de refuser même de donner à celui qui n'en a pas, après, au lieu de reconnaître votre avarice et de prendre le blâme, hein, et la responsabilité de ça, vous blâmez Allah, hein, et vous cherchez à critiquer Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a donné votre subsistance, hein, parce que vous êtes trop avare pour aider les pauvres. Donc c'est ça la réalité de ces gens-là. Souvent, quand tu vois par exemple, souvent les athées ils disent ce genre de paroles, et d'autres également parmi les koufars ils disent ça. Et quand tu les regardes eux, et tu regardes comment ils vivent, hein, comment ils ont tout ce qu'ils désirent et comment Allah leur a tout donné, et ils osent par la suite critiquer Allah subhanahu wa ta'ala et blâmer Allah qu'il y a des pauvres. Et ils disent, c'est pas de notre faute à nous s'il y a des pauvres. C'est Allah qui leur donne pas. Alors qu'Allah t'a ordonné de leur donner. Alors, où est-ce qu'il est, hein, l'injuste? Ça, c'est juste un exemple encore. Comment ils utilisent le qadar pour essayer, hein, de se détacher de la responsabilité ou de la culpabilité de ce qu'ils font comme injustice. Naam. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne les versets qu'on vient d'expliquer. On va les relire, inshallah, puis on va s'arrêter après ça. Le Cheikh dit الذين قال الله تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى رادا عليهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Donc le cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ces versets. Il dit وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ قَالُوا كَمَا فِي سُورَةِ النَّحْلِ سَيَقُولُوا يعني في المستقبل والسين للتنفيس أي المستقبل القريب أخبر الله أنهم سيقولونه وقالوه. Donc ici le cheikh il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 148 dans sourate Al-An'am, il dit ils vont dire, hein, en parlant des mouchriquins. Et ça, en arabe, c'est le signe, c'est pour le mustaqbal, c'est-à-dire l'avenir. Hein, c'est dans les verbes, si tu rajoutes signe au verbe présent, hein, ou saufa, le futur, ça devient le futur. Hein, c'est comme ça qu'on forme le futur. Et donc, yani, c'est le futur qui est proche. Futur qui est proche. Certains savants ils disent ça, que le saufa c'est pour le futur qui est plus lointain et le sin c'est pour le futur qui est plus proche. Et certains ils disent non, y a pas, les deux sont pour la même chose. Mais, yani, ça c'est autre sujet. Maintenant le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala donc il nous a informé qu'ils vont dire cela et effectivement ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Hein, que si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk, ni nos parents. Hein, et on n'aurait rien interdit. Et le cheikh, il explique, il dit, la suite du verset, « كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يعني كَذَّبُ الرُّسُلْ وَالْكُتُبْ وَاحْتَجُّوا بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَأَنَّهُمْ لَا لَوْمَ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْعُقُوبَةَ وَالْهَلَاكِ وَلَوْ كَانَ اللَّهُ يَرْضَى هَذَا لَمَا عَاقَبَهُمْ عَلَيْهِ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا لو كان الله كما يقولون أجبرهم على هذا الشيء كان أجبرهم على هذا الشيء وليس لهم اختيار ما عاقبهم الله لأن الله لا يظلم أحدا كيف يعاقب من ليس له اختيار وليس له إرادة ولا مشيئة وإنما هو مجبر أو إنما هو مجبر يعني تعالى الله عن ذلك. Donc le cheikh il dit c'est ainsi que ceux avant eux avaient démenti les messagers et avaient démenti les livres et avaient utilisé le décret divin et la prédestination comme argument pour s'enlever le blâme d'eux-mêmes, du mal qu'ils faisaient. Et donc, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse goûter le châtiment et les fasse périr. Et ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas satisfait de ce qu'il faisait. Puisque s'il était satisfait de ce qu'il faisait, il ne les aurait pas châtiés. Et c'est pour ça qu'il dit « Hatta dhaqu ba'sana » jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala les châtie. Et donc, il dit « Si Allah subhanahu wa ta'ala, tel qu'il le prétendent, les avait forcés à faire ce qu'ils ont fait, comme shirk et autres, et autres péchés, et qu'il les avait forcés à le faire, et qu'eux n'avaient aucun choix et aucune décision dans ce qu'ils avaient fait, eh bien Allah ne les aurait pas châtiés. Allah ne les aurait pas châtiés, parce que Allah ne fait pas d'injustice à personne. Comment Allah subhanahu wa ta'ala va-t-il châtier des gens qui n'ont aucun choix, aucun choix, aucune volonté, et yani aucune décision, aucune volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Même que vous savez que dans la charia, une des conditions pour at-taklif, c'est al-aql. Al-aql, shartun fi at-taklif. C'est-à-dire que dans la charia de l'islam, on considère que si quelqu'un devient fou ou perd la raison, il n'est plus responsable de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit. Et il ne sera pas coupable d'un crime ou d'un mal qu'il a fait. Et il ne sera pas non plus châtié ni dans cette vie, ni dans l'au-delà, s'il n'a pas la raison. D'accord? Donc ça, c'est un argument contre ce que ces gens-là prétendent. La preuve qu'on ne peut pas utiliser le qadar comme justification ou de prétendre qu'on n'a pas de volonté ou de choix dans qu'est-ce qu'on fait et de dire que Allah nous châtie malgré qu'on n'a pas de choix et de volonté, alors ça c'est en contradiction même avec la charia. Parce que la charia nous dit, on ne peut pas blâmer une personne qui n'a pas sa volonté et qui n'a pas sa raison. C'est la preuve que ces gens-là, l'argument qu'ils ramènent, elle contredit la vérité, contredit la preuve de la charia et même un des fondements de la charia. Après le cheikh, il dit, قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا يعني هل لكم حجة على ما تقولون على الله سبحانه وتعالى إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون يعني إن تتبعون أي ما يعني إن بمعنى ما يعني ما تتبعون إلا الظن والظن أكذب الحديث إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ما يجوز للإنسان أن يتبع الظن أمور العقيدة وأصول الإيمان لا بد أن تكون على يقين ليست على ظن أو ولا تخرس ولا توقع قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين لله الحجة البالغة عليكم كيف تحتجون عليه أنتم وتقولون الله هو الذي أجبرنا الله هو الذي له الحجة البالغة لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وتنهاكم أنزل الكتب تنهاكم عن هذا الشيء وأنتم تقدرون أعطاكم قدرة تقدرون على تركه وتقدرون على فعل ما أمركم به عندكم قدرة ومشيئة أقام عليكم الحجة سبحانه وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب. Donc ici le cheikh il termine ce point là en disant dit avez-vous une science quelconque que vous pourriez nous produire nous ramener pour justifier qu'est-ce que vous dites ou prouver ce que vous dites que Allah il a été satisfait et qu'il a ordonné cela. Et donc est-ce que vous avez une preuve pour dire ce que vous dites à propos d'Allah? Et Allah subhanahu wa ta'ala les réfute en disant ils ne suivent que des conjectures, que des suppositions. Et ils ne font que faire des Ils ne font qu'émettre des doutes. Hein? Ils n'ont aucune preuve, aucune certitude. Et donc ici, Allah mentionne qu'ils ne suivent que des suppositions, rien de certain. Et ça, c'est la plus mensongère des paroles. Ils ne suivent que Adhan et dans l'autre verset, il dit « Wama tahwa l'anfus », ce que les âmes désirent comme passion. Et il n'est pas permis à l'être humain de suivre Adhan, en particulier dans les questions de croyance, dans la aqida, dans les fondements de la foi. Il faut que ce soit basé sur la certitude et non pas sur des suppositions ou des possibilités ou des probabilités. Et il dit donc, à la suite de ce verset-là, dans le verset 149, dans Surat Al-An'am, dit au Muhammad, à ces gens-là, c'est à Allah qu'appartient la preuve tranchante. Et il dit, et si il aurait voulu, il vous aurait tous guidés. Si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il vous aurait tous guidés. Et il dit donc, c'est à Allah qu'appartient la preuve tranchante contre vous. Donc, comment pourriez-vous essayer d'utiliser un argument contre lui et de prétendre que c'est lui qui vous a forcé de dire ou de croire ce que vous faites, de faire ce que vous faites ou de dire ce que vous dites? À Allah appartient la preuve tranchante dans le fait qu'il a envoyé les messagers et qu'il a fait descendre les livres qui vous interdisent de faire ce que vous faites. Alors que vous avez la capacité de cesser de le faire, et vous êtes capable de délaisser ces choses-là, et vous êtes capable de faire ce qu'il vous a ordonné de faire. Vous avez la capacité et vous avez la volonté, puisque Allah vous a donné la volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « Inna hadhihi tadhkira, faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila. » C'est-à-dire, ceci est un rappel, alors que celui qui veut prenne le chemin de son Seigneur. Et après, il dit, « Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. » Et vous ne pouvez vouloir que si Allah a voulu. Ça prouve que l'être humain, il a une volonté, mais que sa volonté, elle est limitée par la volonté d'Allah. Donc, ce verset-là en lui-même, il réfute les deux extrêmes. Il réfute l'extrême des qadariyah qui nient la prédestination, parce qu'on voit que dans le verset, il y a l'affirmation de la volonté pour les créatures. C'est la preuve que les créatures, ils ont une volonté. Ça réfute les jabriyah, ceux qui croient que l'être humain est forcé de faire ce qu'il fait et qu'il n'a pas de volonté. Et l'autre verset, « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » ça réfute les qadariyah, ceux qui disent finalement, Allah n'a rien prédestiné et que c'est l'être humain qui décide tout. Donc, l'être humain, il a une volonté, mais elle est limitée et restreinte par la volonté d'Allah. Donc, c'est la réfutation de ces deux extrêmes-là. Et donc, ici, le cheikh, il dit, il a établi la preuve contre les êtres humains en ayant envoyé les messagers et en ayant fait descendre les livres. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera la suite au prochain cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته